Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Bonjour chers amis auditeurs de la radio qui distille la vie. Justement, le texte que méditons ensemble vous propose ce jour, le psaume 100, vous invite à la manifestation de cette vie-là, la vie en Jésus-Christ, qui est cri de joie, allégresse, reconnaissance à l'auteur de notre existence et bien d'autres choses. Nous avons invité le frère Lignon Douba, Christophe, pour méditer ce passage. Rappelons que le frère est ancien du temple des Assemblées de Dieu Jéhovah Shammah, sise à Angré-Château. Il est inspecteur d'éducation. Pour l'heure, il est au lycée moderne d'Anyama. Avec lui, nous allons suivre le cheminement de notre temps d'antenne, OIA, observation, interprétation, application, après la lecture du psaume 100. Baissons donc la tête et prions. Seigneur, à toi toute la gloire, à toi l'élévation. Nous voulons nous recommander à ta grâce, car Seigneur, tu peux parler, ô Seigneur, avec qui tu veux. Et ce matin, nous nous prêtons à toi, afin que nous soyons des instruments fidèles à toi. Conduis-nous, oriente-nous et donne-nous le langage, le verbe, afin que ta volonté soit accomplie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ceci dit, nous allons maintenant passer à la lecture. Nous vous rappelons que vous êtes à Méditons Ensemble en compagnie d'Emma Billet à la présentation de cette émission et de Yahoo Emmanuel à la régie, assisté d'Edouard Yahoo. La lecture va se faire dans la Bible version Lucegon. Nous lisons Psaume 100. Il a 5 ou 6 versets selon les versions. Verset 1. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Versets 4 et 5. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Oui, la fidélité de Dieu dure de génération en génération. Et sur ces paroles, nous allons passer maintenant aux commentaires, c'est-à-dire à l'exploitation de ce psaume 100 qui comprend 5 ou 6 versets selon les versions. Et nous sommes en compagnie de notre frère Lignon Douba Christophe, ancien de l'église Assemblée de Dieu de Angré-Château, Temple Jéhovah Shammah. Il est aussi inspecteur d'éducation. Frère Douba, avant d'aller plus en détail dans le psaume 100, est-ce qu'il y a un contexte qui situe ce passage, ce psaume-là? Merci. Le psaume 100 est un hymne de louange pour la fidélité de l'Éternel envers son peuple. Ce peuple donc qui bénéficie des largesses de l'Éternel est exhorté. Nous savons que le psaume aussi est un chant, un poème à la gloire de Dieu. Et le psalmiste ici exhorte à l'adoration du Seigneur de la plus belle manière. Et dans ce psaume, donc, c'est un appel universel à la louange. On est déjà dans le résumé, c'est-à-dire de quoi parle ce psaume. Voilà, donc comme je le disais tantôt, ce psaume est un appel universel parce qu'il s'adresse à tout l'univers, à tous ceux qui habitent la terre. Comme le disait le verset 1, « Vous tous, habitants de la terre ». Ce psaume donc est un appel universel à toute l'humanité, à louer l'Éternel, à reconnaître ses bienfaits. D'accord. Ce court psaume de 6 versets peut-il être subdivisé? Oui. Et combien de parties vous avez trouvées? Nous l'avons divisé en deux parties. La première partie est du verset 1 au verset 3. Et cette première partie, donc, on l'a intitulée « Le message universel à l'honneur du Dieu créateur ». La deuxième partie, c'est les versets 4 et 5. Nous avons donc parlé du contenu de cette adresse audacieuse. D'accord. Donc, nous avons deux parties. Voici que le verset 1 commence par « Psaume de louange ». Oui. Ce qui vous a amené à donner le titre du passage 1 à 3, « Message universel ». Pourquoi universel? À qui s'adresse ce message? Et quel est son contenu? Merci beaucoup. Nous nous référons déjà au verset 1. Il est dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre ». Tous les habitants de la terre sont concernés. C'est-à-dire, le psalmiste parle ici à des hommes. Donc, nous pouvons dire à toute la création humaine de Dieu, l'appel est lancé. Tous les hommes qui habitent tous les continents, aujourd'hui, je crois, on a dénombré pour l'instant 5 continents, tous les 5 continents, tous ceux qui y habitent sont concernés. Donc, c'est un appel universel. L'appel, donc, a aussi pour fondement. Pourquoi cet appel à tous les habitants? Nous savons qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une seule voix à toute la création. Du moment qu'il y a d'abord plusieurs continents séparés par des mers, par des océans, et qu'il y a plusieurs idéologies, on ne peut pas lancer un appel qui peut concerner en même temps toute l'humanité. Donc, quels sont les fondements? Pourquoi donc cet appel important? C'est la place qu'occupe celui vers qui cette louange doit être dirigée. C'est l'Éternel. Il est donc dit vers l'Éternel. Donc, il faut savoir ce que signifie d'abord l'Éternel. L'Éternel, selon le dictionnaire, c'est ce qui n'a pas de commencement ni de fin. L'Éternel règne toujours. Et c'est le seul qui est éternel, qui règne et qui est en même temps le Créateur. L'Éternel aussi, son autre nom, c'est El Elyon, le Dieu très haut, au-dessus de toute la création. Dans la création, il y a donc l'humanité. Mais l'humanité n'est pas la seule création. Nous savons qu'il y a aussi la création physique. Il y a les arbres, il y a les animaux, il y a les poissons. Mais toute cette création a pour maître l'Éternel. Donc, le fondement de cet appel-là, c'est la place qu'occupe l'Éternel, la signification de son nom, parce qu'il est au-dessus de sa création. Donc, le message universel se justifie parce qu'il est le Créateur. Et donc, il s'adresse à toute sa création, malgré tout ce qui est division au plan donc des continents, des nations. Dieu est au-dessus de tout cela. Oui, effectivement, au verset 3, il est dit aussi que ce qui fait que Dieu appelle, si je vais dans le même sens que toi, c'est-à-dire ici, il a dit, sachez que l'Éternel est Dieu. Oui. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Donc Dieu appelle à ce qu'on le loue parce que nous lui appartenons. Oui. Bien. Ceci nous amène à la deuxième partie de ce psaume 100, les versets 4 et 5. Quel est donc le contenu de cet appel que vous avez intitulé « Contenu de cette adresse audacieuse ». Quel est le contenu et pourquoi l'adjectif « audacieuse » ? Voilà. Je disais d'abord tantôt l'adjectif « audacieux », cet appel « audacieux » parce que aujourd'hui, personne ne peut envoyer un message qui peut être reçu de la même manière sur toute la terre. Mais seul, comme on vient de le dire, l'Éternel a ce pouvoir de véritablement recevoir l'adoration, la louange de tous ceux qui vivent sur cette terre. Parce que comme on l'a dit tantôt, il est éternel, il est notre Dieu, il est donc notre Créateur. Nous sommes donc ses créatures. Tous, nous sommes des créatures de Dieu, même si dans les créatures de Dieu aujourd'hui, nous sommes donc devenus enfants de Dieu. Mais la créature, c'est tous ceux-là qui ont été créés, même ceux qui ne croient pas, qui sont athées, qui sont endurcis, ceux qui font autre chose. Toutes ces personnes-là, tous ces hommes-là sont la créature de Dieu. Alors, le contenu, c'est un appel à la louange. Il est dit au verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges. » Les louanges, c'est donc une manière de reconnaître les bienfaits de Dieu, de les élever, de les exalter, et on les exalte aussi avec la bonne manière. C'est pour ça que quand nous revenons vers le verset 1, c'est avec la joie, des cris de joie. C'est avec de l'allégresse. L'allégresse, c'est une forme de joie très vive qui se manifeste souvent par des démonstrations collectives. Exemple, des personnes qui se retrouvent, c'est de l'allégresse, c'est la joie, c'est la vive joie. Donc, le message, c'est d'apporter, c'est d'entrer dans ses portes avec des louanges. Le message, sa présence. Voilà. C'est également, toujours au verset 4, c'est de le célébrer, de le bénir. Et célébrer Dieu, comme on l'a déjà dit, c'est aussi une manière de reconnaître, de le glorifier. Quand on dit « faut bénir Dieu », c'est en reconnaissance de ce qu'il a fait, tu le glorifies, tu l'élèves. C'est donc ça le message qui est porté parce que nous sommes créatures de Dieu, celui-là qui nous donne le souffle de vie chaque jour. Universellement, le psalmiste a lancé l'appel qu'on puisse le louer, reconnaître ses bienfaits, le célébrer, le bénir, car notre Dieu est bon. Donc ce sont les raisons pour lesquelles il appelle à la louange. Voilà, il est bon et sa bonté n'a pas de fin parce que c'est un autre nom de Dieu. C'est le Dieu de bonté. C'est un attribut. En fait, je voulais dire que c'est sa nature. Dieu est bon et Dieu ne peut pas changer. Donc, sa bonté dure toujours. Et également aussi, il est dit, parce qu'il est fidèle. Sa fidélité dure également aussi de génération en génération. Donc, le contenu, c'est qu'il faut reconnaître les merveilles, les bienfaits, sa bonté. Donc, en reconnaissant cela, on lui apporte la louange, on l'élève, on le célèbre parce que chaque jour, si tu es debout, c'est parce que tu bénéficies de la grâce de Dieu, de sa bonté. Chaque jour, même ceux-là même qui le rejettent, qui nient son existence, ils bénéficient de sa bonté en recevant le soleil pour leur affaire, en recevant aussi la pluie, en bénéficiant de l'air que nous respirons. C'est la manifestation de la bonté du Seigneur, de l'Éternel, qui dure à toujours. Et sa fidélité, elle est là de génération en génération. Il est même dit dans la parole de Dieu que même quand nous-mêmes nous sommes infidèles, lui il demeure parce qu'il ne peut pas se renier. C'est sa nature. Dieu de fidélité. C'est pour cela que nous avons intitulé cette partie, le contenu de cette adresse, c'est de le louer, mais de le louer avec joie, allégresse. Parce que nous sommes sa créature et nous sommes aussi bénéficiaires de ses bontés. Amen. Amen. Auditeurs de la radio de la vie, vous êtes à méditer ensemble. Nous passons maintenant à la deuxième phase de notre temps d'antenne, c'est-à-dire la phase de l'interprétation. Et nous avons deux questions qui vont nous aider à interpréter ce passage. La première question est la question 2 qui nous demande « Qu'est-ce que nous apprenons sur Dieu le Père ?» Nous apprenons effectivement que Dieu est notre Père. Ça, c'est une vérité. Nous apprenons aussi que notre Dieu est éternel. En quoi est-ce qu'il est Père ? Il est Père parce qu'il est notre Créateur. Il nous a engendrés. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous, quand nous remontons l'histoire de la création, Au sixième jour, Dieu a créé l'homme à qui on parle aujourd'hui de manière claire. Le psalmiste s'adresse à lui de manière claire. Donc, Dieu est notre Père. Voilà. Ensuite, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous apprenons aussi que nous sommes un troupeau. Il est dit, le troupeau de son pâturage. Nous sommes le troupeau de son pâturage au verset 3. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Et cela nous amène à revoir aussi ce psaume de David, le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et le passage que nous avons et lu il y a des jours en arrière, le, passage, le bon berger. Le bon berger, le passage donc dans le livre de Jean, Jean 10, Jésus est notre berger, mais le bon berger, parce qu'il y a certains qui se proclament bergers, mais qui ne sont pas des vrais bergers. Donc, nous sommes le troupeau de son pâturage. Qu'est-ce qu'on apprend encore sur Dieu ici? C'est que notre Dieu là, l'Éternel, est bon. Il est bon, il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant, contrairement à ce que des personnes diffament. Ils annoncent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. L'Éternel est bon. C'est pour cela qu'on l'appelle le Dieu des bontés. C'est dans sa nature. L'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours. Et enfin, un élément important aussi, que l'Éternel est fidèle. Nous apprenons que Dieu est fidèle. Et sa fidélité aussi dure à toujours. Voilà donc ce que nous apprenons sur Dieu le Père, dont le texte fait état ici. Bien. La deuxième question de l'interprétation, c'est la question 4. Y a-t-il un ordre auquel obéir dans ce passage? Oui, nous constatons que ce texte est pratiquement un ordre dans tous ses éléments. Nous allons citer simplement les verbes qui sont à l'impératif. Dans le premier verset, pousser. On nous demande de pousser. C'est un ordre. Vers l'Éternel des cris de joie. Le verset 2, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse. Au verset 3, sachez que l'Éternel est Dieu. Au verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges. Toujours au verset 4, célébrez-le, bénissez son nom. Donc ce texte est véritablement bâti sur un ordre que nous devons exécuter parce que ce que Dieu fait, c'est la réalité. Nous devons donc exécuter cet ordre pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Donc, ce test-là, essentiellement, est un test d'ordre, qui donne donc de l'ordre. D'accord. Nous passons maintenant à la phase de l'application, la dernière phase, qui consiste à tirer des leçons de ce que nous avons lu et dit. Donc, Frère Douba, que retenir par rapport à ce psaume 100? Voilà. Nous pouvons retenir que la louange est d'une importance capitale dans le culte que nous dédions à notre Dieu. Il est dit que Dieu siège dans la louange. C'est pour cela que la louange doit être menée avec la plus grande minutie pour que cette louange dans le culte à l'Éternel puisse entraîner le peuple à rencontrer son Dieu. Parce que c'est ça aussi l'adoration. Et rencontrer notre Dieu qui est trois fois saint, il faut être dans certaines conditions. C'est pour cela, la parure est d'une importance capitale. Ici, d'abord, ceux qui sont les ministres de la louange doivent être enseignés qu'ils doivent apporter la joie, la vie. C'est pour cela que la joie est revenue plusieurs fois. De pousser vers l'Éternel des cris de joie, de le servir avec joie, de venir avec allégresse. La louange est d'une importance capitale. C'est pour cela que nous voulons exhorter nos chantres dans les églises. D'abord, avoir une vie d'intimité avec le Seigneur et à être inspiré par le Seigneur à présenter des parures qui sont à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on peut voir beaucoup de choses qui ne louent pas le Seigneur, tant dans l'habillement, tant aussi par ceux qui sont les chantres et qui font les prestations dans les assemblées. Le visage doit être radieux, doit communiquer la vie, la joie. Donc, pour terminer, la louange doit marquer notre reconnaissance à l'Éternel en le célébrant, en le bénissant. Nous devons reconnaître chaque jour le Seigneur comme étant notre Dieu, comme étant notre pourvoyeur. La louange donc est d'une importance capitale. Voilà, donc il faut que nos chantres puissent se séparer, par exemple, des maquillages extravagants, des parures qui n'honorent pas le Seigneur. Nos chantres doivent être aussi des ministres de la louange qui donnent une éducation. Et toute l'assemblée aussi doit se mettre, chaque fois qu'on doit approcher l'Éternel, se mettre dans les meilleures conditions pour que le Seigneur soit honoré, soit glorifié. Mais il est notre devoir impérieux de reconnaître les bienfaits de l'Éternel en l'invoquant, en le louant, en le glorifiant. C'est ce que donc je voulais vous dire par rapport à l'application. Merci Frère Douba. Nous allons vous laisser le soin de prier pour un sujet dans ce sens-là, surtout quand le Seigneur nous demande de le louer au travers du service qu'on le rend. Parce qu'il dit ici, servez l'Éternel avec joie. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons te dire merci pour ce que nous venons d'entendre. Nous voulons prier pour chacun de nous, afin que nous te soyons agréables dans notre approche à toi qui es trois fois saint, que nous puissions être approuvés, Seigneur, par notre comportement, par notre habillement et aussi par notre, ô Seigneur, intérieur, que nous puissions véritablement te louer, te servir, t'adorer en esprit et en vérité. Donne-lui les qualités, les capacités et aide tous les chantres à se consacrer à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Auditeurs de la radio de la vie, nous sommes sur la fin de notre émission. Sachant que nous sommes sauvés pour louer, pour adorer Dieu, nous sommes sauvés pour célébrer les bienfaits de Dieu. Ceci dit, vous trouvez le commentaire de ce psaume-là à la page 30 de notre lecteur adulte. Nous étions avec le frère Douba Lignon, Christophe, membre de l'église Assemblée de Dieu, Jéhovah Shammah, assise à Angré Château, où il est ancien de l'église. Merci, chers frères. Vous étiez avec Emma Billet au microphone et Yahweh Emmanuel à la régie, assisté de Edouard Yao. À demain et au revoir. Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.